L'agence de presse Rustas, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, l'agence de presse d'internet Inca News et l'homepage d'internet Reddit des États-Unis, l'agence de presse japonaise Kyodo et l'homepage d'internet du Comité national nigérian d'études du Kim Il-sungisme et Kim Jong-unisme ont présenté du 13 au 15 la nouvelle des inspections du maréchal Kim Jong-un de la base avancée de l'île de Kali à l'extrémité sud des parages du front sud-ouest et de la troupe de défense de l'île de Tsangze. L'agence de presse russe Primordier 24, le réseau Planète de Chine, l'homepage d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections, l'homepage d'internet du Comité national d'études des réfugiés du Congo démocratique et de l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun ont inséré des photos du maréchal Kim Jong-un.